J'ai 76 ans, je n'ai pas peur de prendre pour les ben, jeunes. Je vous félicite, madame. Connais? 76 ans. Je vous félicite. Moi, Charlotte, là, j'assure, puis des bacs. Ben oui. Rien que ça qui mérite. Ben, ils en font de l'argent, là, les polices. Ouais. Ah! Voyons, là. Il voulait l'avoir, le bordel. Il l'a eu, le bordel. C'est sa faute à lui, tout fonctionne. Là, il y a la commission Charbonneau qui se prend rien, là. Charest va se faire barbasser parce que les enveloppes brunes, il y en a eu. Jean Charest, il est dans la marde. Il est carrément dans la marde parce que là, il est bloqué de tout bord, de tout côté. Là. Je veux dire, il sait, il est chez eux à soir d'écouter ça, lui ici, là, puis vous, la manifeste. Le peuple qui se relève contre le gouvernement, mais pas agressivement et sans avoir une tactique spéciale au niveau, par exemple, l'augmentation scolaire, c'est général. Lui, Charest, là, j'assure qu'il débat. Qu'il mette dehors, on va en finir, ça. Ben oui, mais tout le monde va voter pour lui encore. Le monde est comme ça. Ben oui. Le monde est hypocrite.